À l'écoute de Fadjet, il est 17h. Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur le 94.2 sur Fadjet, bien évidemment. Nous sommes le vendredi 20 juillet 2018, il est 17h, c'est un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, mode, déco, cinéma, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, on vous parle d'une émission qui vous parle du passé au présent. Mes partenaires de jeu cette semaine sont Laura et Anaïk. On change à chaque fois. Bonjour. Ça va les Bonjour filles. À tous. Ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes de bonne humeur? Oui, comme en ce beau mois de juillet caniculaire. Comme un vendredi, on est ravis d'être là. C'est vrai? Oui. Bon, bah tant mieux. On a une invitée cette semaine. Oui. C'est qui? C'est qui? Elle est toute colorée. Elle est toute belle. C'est Jessie Caramel. Bonjour à tous. Jessie, ça va? Tu ça connais va bien, un petit peu la radio, tu es déjà venue dans plusieurs émissions et tu n'es jamais venue dans l'émission rétro, c'est quand même incroyable. Mais c'est de votre faute. Pourquoi? Bah, il fallait m'inviter. Eh ben, attends, je t'ai invité 1000 fois au moins. Je t'ai invité plein Elle de fois. Elle est overbookée. Elle m'a dit, je crois que la dernière fois, tu ne pouvais pas venir, c'est vrai. Tu es bookée. Alors, Jessie, comme je te l'ai dit un petit peu hors antenne, on va te décortiquer. Voilà, hein, on va un petit peu parler de toi, on va poser des questions sur ta vie, ton œuvre, ton existence depuis le début. Mais il y aura aussi un autre programme et le sommaire de cette émission, c'est lequel? Alors aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui justement, on va parler du 20 juillet, et notamment avec toi François. Deux, trois petites anecdotes. On va parler un petit peu cinéma, je vous en dis pas plus, ça sera une petite surprise tout à l'heure. Laura, toi tu vas nous parler des appareils photo jetables. Voilà. D'accord, bah écoute, soit. Hein. Laura, donc, si on faisait le bilan un peu de ce que tu nous as parlé il y a eu les flippers. Il y a eu les flippers. Les cabines téléphoniques. Ouais. Et c'est vrai que Laura, elle n'est pas venue depuis 2-3 semaines déjà. Les jukebox, ouais, exact. Le Minitel. Ça en fait, hein, mine de rien. Je ne me rappelle pas du reste. Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter ces émissions, ces anciennes émissions sur notre site fadjet.net. Vous allez chercher les podcasts de l'émission Un coup d'œil dans le rétro et vous retrouverez toutes ces émissions. Alors, parfois avec Laura, parfois avec Adrien, parfois avec Laura et Adrien, parfois aussi avec Clément, parfois aussi avec Kiki qui est parti jusqu'au mois de janvier. Jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019. Donc on est une équipe de 6 personnes, oui, que je ne dise pas de bêtises, oui, 6 personnes quasiment. Hein. Et mais alors, en ce moment, voilà, chacun des activités autour du rétro. Hein. C'est ça aussi qui fait, Jessie, c'est que chacun sa petite activité. Bah, tu connais Laura, Clément, lui, c'est le club Saint-Lambert. On parlera de son événement, donc c'est des événements rétro au niveau local. Et Kiki, bah, c'est dessinatrice, illustratrice aussi, notamment de l'homme moderne et de la pin-up moderne. Ah, d'accord. Voilà, c'est elle. Alors, notre émission va commencer. Je vais commencer, c'est ça, Nike? Avec. Oui, tu peux commencer. Je t'autorise. Eh bien, je commence. Les amis, en tout cas, merci de nous rejoindre. On est ensemble pendant une heure. Alors, moi, je fais toujours un petit éphéméride du jour, très rapide. Alors, vous connaissez l'éphéméride? Ce que c'est que l'éphéméride? C'est ça, c'est la question. Parce que moi, j'ai fait tous les matins ce truc-là, mais en fait, on connaît le mot éphéméride, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est les fêtes avec les prénoms? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, nous fêtons la Saint-Gisèle aujourd'hui. Non, c'est pas. Mais c'est ça l'éphéméride. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Mais on aime bien savoir tous les jours qui on fête, quand s'est levé le soleil, quand se couchera le soleil, à quelle heure il se couchera. Voilà. Hein, ça n'a pas l'air de vous intéresser. Si, mais bon. C'est passionnant. Ça intéresse que moi. Alors, un 20 juillet 1969, il s'est passé dans la nuit entre le 20 et le 21 juillet. Le module lunaire Eagle de la mission Apollo 11 se pose sur la Lune avec, à son bord, j'ai un petit pas pour l'humanité, un grand pas Neil pour l'humanité. Armstrong. Neil Armstrong, effectivement, annonce de la Terre Houston, ici la base de la tranquillité. L'aigle a atterri et il est en compagnie de Edwin Aldrin, Michael Collins, étant resté dans la capsule Apollo en orbite autour de la Lune. Un autre karatéka. Alors là, c'est un karatéka qui est décédé un 20 juillet 1973. Bruce très Lee. Connu. Et vous savez quel âge il avait, Bruce Lee, quand il est mort? Tu vas nous dire. Très jeune, en fait. Hein, ouais. 32 ans. Wow. 32 ans. Alors pour l'histoire, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé parce qu'il y a eu des soupçons autour de sa mort. C'est Raymond Chaud, son producteur, qui passe chercher Bruce chez lui à 14h à Cumberland Street pour discuter du scénario du Jeu de la Mort, c'est un film. Puis il se rend chercher l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei et il lui administre un cachet alors tu vas me dire peut-être ce que c'est, Nike, décagésique. C'est un genre de calmant, hein, car il a des maux de tête et il se repose après le départ du producteur. Et Betty tente à deux reprises de réveiller Lee qui semble profondément endormi. Et finalement, elle rappelle son producteur qui revient chez elle vers 21h30. Elle téléphone aussi à son médecin, le docteur Choupoui. Celui-ci décide de faire hospitaliser Bruce et appelle une ambulance. Et plus tard, au cours de l'enquête qui suivra, on demanda au docteur Cho pourquoi il n'a pas envoyé Lee au Baptist Hospital, tout proche, mais plutôt au Queen Elizabeth Hospital, beaucoup plus éloigné, alors que des soins rapides étaient nécessaires. Et j'ai tenté de ranimer Lee pendant au moins 10 minutes, dit-il. Et comme il ne réagissait pas, il n'est pas venu à l'idée que le temps pouvait être un facteur important. Bizarre. Mais ça fait un peu comme Michael Jackson aussi. Oui, hein. J'y ai pensé aussi. C'est un peu bizarre. Et finalement, à 23h30, Cho annonce au reporter venu, Bruce est mort à l'âge de 32 ans. Hein, 32 ans. Donc on ne sait pas vraiment de quoi il est mort. Il a eu des menaces pour le coup de mort un petit peu avant, mais il faisait des malaises assez régulièrement dû à des maux de tête. Donc voilà, Bruce Lee qui a quand même beaucoup de films à son actif pour un si jeune âge. On va fêter quelque chose de plus gai aussi, un anniversaire. Alors je vais vous donner un titre, je vais vous faire écouter un titre et vous allez essayer de deviner. C'est un titre de 1969 et là on passe dans une période de Woodstock complètement hippie. Ça c'est Santana. Bravo! Moi, j'adore. Ouais, t'es... Elle danse et tout. Elle est à fond. Elle est blind test. Elle est en préparation. 5 secondes. Donc, alors moi je le savais pas. Là c'est une chanson du titre de l'album Soul Sacrifice. C'est un mélange de salsa au début et on va passer sur un peu du rock. Joué au festival de Woodstock en 69 et considéré comme un moment mythique du festival. Et le solo de batterie de 6 minutes de Michael Shrieve est en particulier resté comme le moment le plus populaire de cette prestation. Et il était super jeune le batteur. Je crois qu'il était mineur à l'époque. Alors peut-être bien. Ouais, ouais. Et avant de monter sur scène. On est à Woodstock, hein, les gars, quand même. Carlos Santana a pris de la mescaline, ce qui explique son visage complètement grimaçant. Pour les voir sur Google, on voit sa tête. Et le chanteur-guitariste expliquant plus tard qu'il imaginait devoir dompter sa guitare métamorphosée en serpent. Oui, en effet. Ouais, pas mal. D'accord. Donc, c'est ce moment-là, on est en plein Woodstock. Donc, c'est un virtuose, hein, Santana, il faut le dire. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous savez quel âge il a ? Vieux. Il est né en 47. Il est né en 47, donc il a 71 ans. L'âge de mon père. Oh bah exactement. Ça va, il est. Ouais, on les gens de 71 ans seront contents de savoir qu'ils sont vieux. C'est pas vieux. Si, merci beaucoup. Ils sont pas si vieux que ça. Ça reste... Elle a dit vieux. Mais c'est vrai que on est plus vieux que jeune, effectivement, à cet âge-là. Mais voilà, Santana, moi je le croyais plus vieux que ça, par contre, tu vois. Et donc c'est son anniversaire aujourd'hui, on lui souhaite. Et pour lui souhaiter quoi de mieux que d'écouter un de ses titres pour commencer notre émission à coup d'œil dans le rétro, un titre mondialement connu, internationalement connu. C'est Europa, c'est un grand succès de l'album Amigos. C'est un peu plus mélodieux hein, que le titre d'avant. C'est un titre de 1976. Voilà les amis, on écoute Carlos Santana. C'est Europa, vous êtes dans un coup d'œil dans le métro et dans le rétro en même temps. Sur Fadjet. Si vous écoutez dans le métro, c'est que vous êtes sur internet, sur Fadjet.net ou peut-être sur l'application TuneIn. Prenez le temps, c'est le week-end et les vacances pour certains. Santana et son solo sur Europa, bien sûr. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce début de soirée, on peut le dire, hein, sur Fadjet bien évidemment. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. Notre émission mensuelle, un vendredi par mois, le troisième pour être clair, parce qu'entre c'est entre Geek World et puis je ne sais plus quelle autre émission, les autres vendredis. Vous n'hésitez pas bien sûr à nous retrouver en podcast, ces émissions, tout simplement sur la page Facebook Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. On la met en général la semaine suivante. Ça vous permet de l'écouter, dans le moment peut-être de dîner en famille si vous vous ennuyez, ce qui arrive souvent, les dîners en famille, on s'ennuie. Le dimanche aussi, ça permet à tonton... Tonton coquin, tu sais, c'est celui qui raconte des blagues salaces. Voilà, ah oui. Et bah de lui couper la parole, voilà, puis de redonner un peu de dynamisme. Nous allons parler avec Jessie. Ça va, Jessie? Tu rigoles? Ça va toujours. C'est bien, c'est important. Très heureux de t'avoir avec nous en cette fin de journée. Je suis très heureuse d'être là. Et on va parler un peu de toi, hein, parce que on va dire que tu as parti au monde rétro dans un dernier temps, finalement, c'est ton élection de Miss Pin-Up. Oui, tout à fait. 2017, donc c'est tout récent. Il y a déjà la 2018. Oui, ça y est, elle a été élue. Ah, ça y est. C'est comme les Miss nationales, c'est en général milieu d'année, non? Alors non, pour le coup, nous, ça dépend vraiment de quand l'élection a été faite l'année d'avant. Donc, d'accord. Nous, c'était juin en l'occurrence, elle et a donc, été élue le 24 juin. Ça se passe un peu pareil, en fait, en élection. Tout à fait. Il y a donc différents passages. Il y a deux défilés. Tu as un défilé en tenue jour, tu as un défilé en tenue de soirée. Ouais. Et puis, elles ont un show de 2 minutes à faire. Pour d'accord. Qu'on puisse les voir un petit peu sous un autre angle. Ils ont arrêté de défiler en maillot de bain? Alors, non. Les Miss France normales? Ouais. Non. Ils ne voulaient pas le faire, ça, d'arrêter? Alors, aux États-Unis, ça a été arrêté. Enfin, ouais, ça va être arrêté. C'est vrai, on n'a pas besoin, en fait, d'être en maillot de bain, au final, hein, pour être élu. Je pense à une autre émission où ils disent qu'il ne faut surtout pas l'arrêter, en l'occurrence. Ah bon? Ah bah, Fred. Ah bah oui, mais nu, de préférence, mais voilà, hein, voilà, on est d'accord. oui. Donc lui, il milite pour qu'on n'arrête pas en France, je suis d'accord. Oui, d'accord. Bon, après, voilà. Mais effectivement, je sais pas. Non, j'avoue que du coup, on ne se concentre pas forcément sur l'essentiel. Mais tout comme aussi leur poser les questions sur si elles ont changé quelque chose à la guerre dans le monde. Enfin, c'est pas non plus, tu vois. Bon, après, je conçois que ce soit pas facile de prime abord de trouver quelque chose à dire d'intéressant, surtout le soir-là, pour séduire un jury. Mais le naturel et le spontané, c'est encore le mieux. Alors, militer contre les fourrures des bébés, voilà, ça marche toujours, ça. Ben voilà, ça, ou voilà, pour les animaux, le droit des animaux, etc. Ouais. Mais alors, donc, toi, tu as été élue l'année dernière, et tu es, mais vraiment, pour le coup, une passionnée de rétro. Mais alors, il y a une période bien précise, parce qu'on sait qu'il y a des puristes et qui aiment des périodes bien, bien précises. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très ouverte sur le rétro. Et il n'y a pas d'année, là, par exemple, sur la tenue que tu portes aujourd'hui, qu'on comprendra en photo tout à l'heure. Et est-ce que ça a une année bien précise ou pas, hein, je pense une à rien, il faudrait demander à Laura pour le coup. C'est vrai. Alors, je pense que c'est 70. C'est vrai? Oui. Mais ta coupe de cheveux, elle n'est pas des années 70? Non, ça c'est plus années 50. Ah. J'avoue que j'ai quand même une préférence pour années 50, voire 40 pour... Parce que le pin-up, c'est américain, on est d'accord? Donc. C'est américain, oui. C'est-à-dire que tu as ce mot pin-up, nous on est Miss Pin-up, mais moi j'élargis beaucoup à femmes des années, des années rétro, donc années 50, années 40, il y en a qui vont jusqu'à années 60 effectivement. Mais moi j'aime beaucoup, moi c'est beaucoup tout ce qui est élégant, donc après oui, on met pin-up parce que c'est plus simple et que c'est un gros. Les gens reconnaissent bien, voilà. Moi j'avais une question, il y a des critères de sélection en fait quand tu veux te présenter à un concours? Comme ça? Pas du tout. D'accord. Chez nous, il n'y en a aucun. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, la Miss qui vient d'être élue, Valérie, elle a 40 ans. Elle a deux enfants. Y a pas d'accord. Voilà. Okay. Oui, donc tu peux avoir des enfants. Il n'y a pas de poids, pas de taille, il n'y a rien. Mais j'ai ouï dire que le rétro, c'est à partir de 20 ans en arrière. Donc, ce qui voudrait dire que les gens des années 90, ou juste un style des années 90, pourraient se présenter. Non. Je pense qu'après, nous, les filles qui viennent spontanément à nous, elles ont dans l'esprit peut-être justement pin-up. Donc elles sont vraiment 40-50, éventuellement 60 avec les petites robes, voilà. Mais après, on est quand même plus tablé, même 30. Il y en a qui viennent avec un style un petit peu 30 ouais. quand même. C'est un concours qui existe depuis... ça fait à peu près 5 ans. 5 ans, ouais, d'accord. 5 ans. Parce qu'un petit pull LC Waikiki avec un jean large et des Doc Martens, ouais, on va dire que c'est pas dégueulasse. Dans 20 ans, il y aura Miss Spice Girl. Miss Spice participe. On est de cette génération-là, hein, nous, effectivement. Et sachez une chose, que quand tu parles à des jeunes... parce que je pense qu'on reste moins jeune, peut-être moi je suis plus vieux, mais des années 90, enfin on est dans les années 90, mais les années 2000, ils ont déjà 18-20 ans, tu vois, et c'est là que tu parais vieux quand tu dis, bah moi j'avais 10 ans en 90, quoi. Donc c'est triste, mais c'est le sort, mon sort. Et donc, on va, je viens de me faire une minute. Puis là, on a perdu des auditeurs, il n'y en a plus d'ailleurs. Je vais faire l'éphéméride là pour continuer. Je dois te chialer, quoi, de changer ma vie, quoi, de partir en moto, enfin, le mec pète un câble. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu à toi, t'as toujours été comme ça ? Non, c'est venu il y a à peu près 5 ans. 5 ans. Pourquoi ? Quel a été le déclic ? Pourquoi ? Parce que avant, je pesais 54 kilos de plus et je me retrouvais pas dans cette mode de femme ronde et où tout était noir et tout était large. 53 kilos de plus. C'est ça qu'elle vient de dire ? 54. Oui, 54 kilos de plus. Vache. Oui, donc tu as fait un régime drastique. Bypass. Ah, d'accord. Je m'engage. Oui, d'accord. Ok. Et ça a changé ta vie ? Oui. D'accord. Oui. Déjà l'estime de toi. Alors je parle pas forcément le physique parce que si j'ai fait cette démarche là, c'était vraiment pour mes enfants, ouais. pour me dire je veux vraiment gagner en espérance de vie, en santé et puis tout simplement me dire si je peux courir après mes enfants, enfin voilà quoi. Au niveau confiance en soi, ça a pas changé ? T'avais déjà confiance en toi ou pas ? J'avais. Après c'est sûr que l'image c'est est quand long même important. À acquérir. C'est long à acquérir. Ouais. Encore maintenant, c'est pas au top des fois. Tu sais, t'as la photo, t'as le papier glacé ou la photo ou les shootings où tu prends la pose et puis bah, t'as la vraie personne à l'intérieur en même temps. C'est jamais simple de se regarder vraiment. Non, et puis l'image, on a beau dire ce qu'on veut, quoi qu'il arrive, ça reste quelque chose d'important dans notre société. Mais même pour nous aussi, hein, on s'apprécie d'autant plus quand on a une belle image ou quand on se supporte et on peut dire ce qu'on veut. Voilà, ça a changé quand même quelque chose en toi automatiquement. Oui, forcément. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dirigé vers ce phénomène oui, un peu rétro. Parce que bah, moi je trouvais que voilà, ces femmes, moi j'ai pour exemple ma maman, bon, années 80, et elle était toujours en tailleur et en talons aiguilles, je l'ai jamais vue sans en jean ou choses comme ça. Et puis ma grand-mère, je la voyais, j'ai vu des photos d'elle dans les années 50 où elle était sublime avec ses robes, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi maintenant on n'a plus ce style, quoi? Je trouve qu'on a totalement perdu. J'ai trouvé ça tellement dommage et triste en me disant, mais on a gagné en plein de choses, hein, ça, attention, je ne dis pas, mais à côté, je trouve qu'on a réellement perdu. En élégance. Oui, tout à fait. Et ça, je me suis dit, j'aimerais vraiment repartir dans ce truc-là. D'accord. Et d'où ma passion après. C'est facile au quotidien de se vêtir de manière rétro, de vivre rétro. Il y a des bonnes boutiques à Nancy, voyez-vous. Oui, les femmes chaudes, effectivement. Non, mais voilà. C'est accepté ? Voilà. Ça dépend, mais en général, les gens, quand ils te regardent, ils pensent que t'es déguisé, ils te disent que t'es déguisé. Ouais, c'est pour votre déguisement. Voilà. Après, ça dépend. Là, je pense que colorée comme je suis, là, des gens me regardent d'un certain œil. Quand j'ai les robes type américaines, donc un petit peu évasées, etc., on me fait des pauvres déguisements. Ça a le malheur de me faire. C'est incroyable de dire ça quand même. Hein, parce que mais pour eux, ils sont gentils quand ils me disent ça. Bah oui. Oui, c'est un compliment. Mais tu sais que t'es dans un quotidien quand tu déguises pas pour un événement. Si elle passe dans la rue comme ça. Je fais mes courses. Ou alors tu vas à un événement tous les jours, quoi. C'est ça. Alors non, je ne suis pas overbooked. Voilà, non, mais c'est ça, c'est assez incroyable. Et je trouve facilement souvent qu'on porte des jugements sur les vêtements. On ose dire. Moi, j'oserais pas dire ça. C'est pas un jugement, mais c'est. C'est pas un jugement en disant, voilà, je. Parce que ça part d'un compliment, mais les gens n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent tout, en fait, aujourd'hui. Oui, sans pas de filtre. T'es beau, t'es moche, sans, ta coiffure est belle. Sans avoir un soupçon en disant, attends, je vais peut-être sur un terrain voilà, où je ne connais pas. Donc, du coup. T'as changé ta couleur de cheveux. T'as vraiment l'air malade avec ça. Ouais, ouais. C'est génial. Tu es fatiguée aujourd'hui. Ah, t'es pas maquillée. Ah ouais, ça se voit. Tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est maladroit en fait, on va dire. J'avais une autre question aussi. Donc, pour le coup, bah voilà, tu as fait ton petit chemin comme ça. Aujourd'hui, aussi au niveau déco, est-ce que est-ce qu'il y a chez toi, par exemple, une tendance au rétro aussi? Alors, j'ai un petit peu d'objets de déco. Néanmoins, mon mari n'étant pas rétro comme moi, et puis j'ai des enfants tout simplement. Donc après, tu dis leur mettre un Minitel à la place de la tablette. Mais c'est ça. Alors, tu vois, ça serait moins simple à emporter pour le coup. Le gamin qui joue avec son Minitel. Ah. Il pourrait pas faire grand chose, le pauvre chat. Non, c'est ça. Natari, Adrien serait là. C'est les premières consoles, tu sais, où t'as ces deux trucs comme ça. L'espèce de ping-pong là. Oui. Non, mais par contre, ils sont des Game Boy, ouais. Il n'y a pas longtemps qu'il a eu, une première DS, mais moi j'étais partie sur des Game Boy, ils ont tous les deux une Game Boy. En même temps, le rétro gaming, c'est aussi la mode. Hein. Bah ouais, carrément, ouais. Tu vois, c'est vraiment un réel truc. Donc oui, ils ont aussi des choses comme ça, mais voilà, j'ai un smartphone et j'évolue aussi avec mon temps, faut savoir, je pense, voilà, mixer un peu des deux. Il y a des choses très bien de notre époque. Hein, Alors voilà. On parlera d'ici quelques instants un petit peu de ce que tu fais au quotidien ou des événements auxquels tu participes. On continuera un petit peu avec ça. Pour le moment, on va écouter. Tout le monde connaît Mike Muster, Boogie Woogie, Country Girl sur Fajet. Il est 17h23, les amis. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro et en ensemble jusque 18h. Mike Muster, Boogie Woogie Country Girls of Adjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fajet 94,2 en modulation de fréquence. Je n'ai de cesse de le dire, bienvenue les amis à ceux qui nous rejoignent ce soir. Alors la page Facebook est ouverte aussi, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On est dans le rétro, donc les dédicaces des années 90, ça passe encore. Vous avez la possibilité, je pourrais même prendre mon accent de DJ. Bienvenue, un coup d'œil dans le rétro les amis, ce soir on va danser dans les balles. DJ François. Voilà, c'est tout à fait possible. Il faut que je me mette un petit peu de reverb là-dessus, ça passera. Attention. Voilà, attention. On va parler avec toi, Laura. Oui. Laura qui va nous parler notamment d'un appareil photo, et l'appareil photo jetable. Alors, vous en avez peut-être les cet été, hein. C'est peut-être possible encore. On peut encore en avoir des appareils photo. On peut encore en avoir, je vais vous en parler justement. Ah bah. Alors en fait, c'est un objet qui devient rétro, l'appareil photo jetable. Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire qu'on commence maintenant à l'associer au rétro. Et en fait, moi, ça me fait vraiment penser à l'objet des vacances et qui plus est des grandes vacances. On utilisait ce terme à l'époque. On avait la chance de ne pas travailler. Et c'est vrai que c'était un objet qu'on emportait avec nous dans la valise. Donc, il faut savoir que cet objet n'a pas disparu encore. Et tu fais cric, cric, cric. Avec la molette. C'est vrai, ouais. Donc, il n'est pas encore disparu complètement de la vente. On peut encore en trouver dans de nombreux commerces. Mais il n'est plus du tout aussi convoité qu'il y a 20 ans. D'accord. Voilà, au niveau historique, l'appareil photo jetable, il est né en 1986 par le fabricant japonais Fuji. Je ne sais pas si je le dis bien, Fuji. En fait, à la base, cet appareil est appelé Quick Snap. Et c'est une vraie petite révolution. Oui. C'est-à-dire qu'il est entièrement fabriqué avec du plastique et il est vendu avec un film qui est déjà chargé à l'intérieur. Ce qui, à l'époque, était quand même assez fou. Il n'y avait pas de réglage à faire, quoi. Et dans les années 80, il y a eu plein de progrès qui ont été faits dans le domaine de la photo, notamment des films négatifs avec une très grande latitude de pose qui aura permis en fait, de donner des images de bonne qualité avec très peu de réglage à faire et donc de pouvoir créer ce genre d'appareil. Donc, on appelle ça des appareils photo prêts à l'emploi. Et en gros, il permettait de prendre 24 photos en moyenne. Donc souvent, les fabricants, c'était 24 photos plus 2 ou 3 gratuites. Oui. Je ne sais pas si vous souvenez. Et moi, c'est ça qui faisait que j'achetais l'appareil. Oui, bien sûr. Pour les 3 gratuites. T'as 3 gratuites. Et j'essayais de prendre juste les 3 gratuites et de me faire rembourser l'appareil. Non, mais fallait dire que des fois, tu cliquais sur ton appareil photo et tu n'étais pas sûr de la photo en elle-même. Du coup, horrible. Tu en reprenais une. Reprenais les plus 3 gratuites, c'était vachement important. C'est vrai. Mais au final, tu les payais quand même au développement. On est d'accord. C'était l'APAD. Et ça pouvait aller jusqu'à 39 photos par appareil. Ça, moi, je n'ai pas connu. Je sais que c'était toujours le 24 photos traditionnel. Il faut savoir aussi qu'à leur lancement, ces nouveaux appareils se font appeler jetables, mais ils seront requalifiés par la suite parce que ce n'était pas très bien vu, ce n'était pas politiquement incorrect, quoi. Donc, on les avait appelés les prêts à photographier. Mais en fait, au final, on a tous continué à appeler ça un appareil photo jetable. Bonjour, vous auriez un prêt à photographier. Je voudrais un appareil prêt à photographier. Chérie, as-tu pensé à prendre C'est le prêt à photographier. C'est un peu pompeux, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a plein d'autres fabricants que Fuji qui se sont intéressés à ce type d'appareil photo. Donc, il y a eu Kodak, Konica. C'est celui qu'on se rappelle le plus, Kodak, non ? Oui, le jaune, quoi. Et au début, donc, les appareils photo là, ils ont un gros défaut parce qu'ils ne permettaient pas de prendre des photos en intérieur parce qu'ils n'avaient pas conçu de flash. Exact. Ouais. Voilà. Et vu qu'il y avait une grosse demande de la part des gens, ils se sont dit, les fabricants, vite, on se dépêche, on met des flashs à l'intérieur. Et après, ils ont étendu la gamme, donc il y a eu des waterproof, panoramiques. Ouais. C'est génial les waterproof. Oui, moi j'avais essayé et j'avais coulé mon appareil parce qu'il y avait. Alors toi, tu l'as laissé sous l'eau. En fait, non, mais il n'était pas étanche, mon truc. Il n'a jamais été. Parce qu'en plus, c'est du papier dessus. Il était mort dans la mer. Bon, voilà. Voilà. Et dans les années 90, la vente des appareils photo jetables est considérable, avec notamment 12 millions de ventes en 1995. C'est incroyable. Donc c'est énorme, quoi. Et avec l'apparition du numérique, des smartphones, les ventes forcément ont énormément chuté. Ouais. Mais on peut toujours s'en procurer pour les plus nostalgiques. Il n'y en a plus énormément, par contre, dans les rayons. Hein. Il n'y en a plus. T'en trouves dans les supermarchés. Est-ce que ça ne reviendrait pas ce petit effet, avec ce petit effet, justement, nostalgie ? Il y a un côté un peu old school qui est sympa, quoi. Et pour la partie anecdote, donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé qu'il y a plein de sites en fait, sur Internet d'organisation de mariages, les mariages à thème, tout ça, et ils proposent des lots d'appareils photo jetables parce que c'est un peu le truc. Ça fait un peu nostalgique, un peu vintage, justement. Quand je me suis mariée, putain, tout le monde s'en fiche, mais. C'est bien de le dire. Quand je me suis mariée. C'est bien de le dire. Quand je me suis mariée, j'en avais mis un sur chaque table. Oui. Et du coup, les invités. Mmh. Mais alors, par contre, maintenant, j'ai des photos de verre à bière, complètement horrible, où il n'y a rien. Mais non, mais c'est une bonne idée. C'est assez fun, quand même, à proposer. Et moi, ça m'a rappelé, les appareils photo jetables dans les mariages. Friends, la série, je ne sais pas si vous regardiez. Oui. Donc, il y avait le mariage de Monica et Chandler. Oui. Et du coup, ils avaient fait ça. Ils avaient laissé un appareil sur chaque table. Sauf que Monica, très psychorigide, elle avait laissé en charge son mari, son nouveau mari Chandler, de récupérer tous les appareils photos. Sauf que, bah, bien évidemment, le boulet, il les perd. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec le témoin, bah, le frère de la mariée, Ross? Il rachète des appareils photos et il s'incruste dans un nouveau mariage. Du coup, ils prennent plein de photos et notamment, il va jusqu'à embrasser une mariée qui est totalement inconnue pour avoir la photo du baiser. Puis bien évidemment, Monica s'en rend compte et puis ça rend côté assez... On revoit d'ailleurs les épisodes de Friends en ce moment, je ne sais plus si sur NT1, on peut revoir tous ces épisodes. Et sur Netflix aussi. Et sur Netflix aussi, ouais. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Parce que je vous ai dit que j'étais... Non, pardon. Tu arrêtes, François. Et il faut savoir aussi que les appareils photo jetables étaient assez mal considérés parce qu'on avait tendance à les associer à des jouets en plastique, quoi. À l'instar des Polaroid qui étaient quand même plutôt design. Et c'est vrai que quand on était enfant, on ne pouvait pas dire qu'on faisait forcément des photos très artistiques quand on allait en colo de vacances. Non, c'est ça. Et moi, ça me rappelle en fait une anecdote perso, c'est que je suis allée en colo en Italie quand j'étais ado. Donc mes parents m'en avaient acheté un. Et en fait, en petite boulette que je suis, j'avais pris toutes les photos avec mon pouce devant. C'est-à-dire que à Venise, tu vois, les super beaux, aucune photo. Et je me souviens, mes parents étaient verts de rage parce que t'as un pouce. Voilà, un pouce ou un index. Voilà, et toutes les photos étaient ratées. Donc voilà. Ah, oui. Mais il y a aussi des artistes photographes qui vénèrent vraiment cet objet. Et on peut trouver sur Internet des tutos sur comment prendre des belles photos avec des appareils photo jetables. Donc le premier conseil qu'ils donnent, c'est ne pas mettre son doigt devant l'objectif. Ce qui n'est pas bête. Hein. Ce qui n'est pas bête. Mais qui est toujours d'actualité pour tous les appareils. Moi, j'aurais tendance à faire un truc aujourd'hui avec les appareils photos, c'est-à-dire prendre la photo et regarder comme s'il y avait un écran pour revoir. Mais tu peux plus. Ben non, tu peux plus, c'est ça. Tu peux plus. Et à Los Angeles, il y a une galerie qui a proposé l'année dernière une expo assez fun. En gros, c'était que des photos prises par des appareils photo jetables. Et leur concept, c'était donc t'achètes l'appareil photo jetable le moins cher du marché, tu leur envoies et eux, ils faisaient une sélection. Et franchement, j'ai vu quelques extraits de cette expo, ça rendait super bien. Il faut savoir que c'était pas des photos prises avec des filtres Instagram comme maintenant, quoi. Donc il y a moyen d'en faire quelque chose de sympa si tu t'y connais un petit peu en cadrage. Parce que tu peux racheter peut-être à moindre coût un jetable, mais un Polaroid aujourd'hui ça coûte cher, quoi. Ah bah c'est pas du tout le même coût. Les photos les recharges. 1 euro la photo, c'est cher aussi. Ouais. Et puis il faut aussi faire certains réglages particuliers, quoi. Et sur YouTube, tu peux aussi trouver des vidéos sur comment hacker donc ton appareil photo jetable. Donc je m'explique. Hacker ton appareil. Oui, en gros, ils proposent de faire des photos un peu effet vieilli, vintage. Sauf que c'est relativement dangereux parce qu'ils conseillent soit de brûler le petit objectif qui est en plastique sur les appareils. Oui, soit de gratter en fait avec une espèce de broche pour donner un côté un petit peu. T'as plus de chances de péter ton truc. Ancien. Ouais, moi je testerai pas personnellement parce que c'est quand même du plastique, donc ça peut prendre feu. Brûler votre appareil photo en compagnie d'enfants. Les tutos sur internet. Laissez faire les enfants. Comment créer une bombe archaïque. C'est ça. Ça doit être chiant en fait, quand tu prends la photo après. Enfin, tu brûles ton truc, mais après pour prendre la photo. Concrètement, pour regarder en fait. Ah bah tu dois pas voir grand chose. Tu vois rien. C'est une belle idée. Je sais pas quel est le rendu en plus. Ouais. Et il y a eu un autre projet un peu plus sérieux en 2017 par une étudiante qui consistait en fait à distribuer des appareils photo jetables à des migrants à Paris. Ouais. Et en gros, c'était pour montrer leur quotidien. Elle en a fait une expo. J'ai vu quelques extraits aussi. C'est saisissant, quoi. Elle en a sélectionné 181 et ça a été exposé à Londres. Alors, elle, son souhait, c'était de pouvoir exposer à Paris, mais je ne sais pas si ça a été fait. Je n'ai pas réussi à retrouver dans les recherches. Mais en tout cas, elle, son idée, c'était de donner la possibilité aux migrants de montrer leur point de vue, leur regard sur ce qu'ils vivaient. Et vraiment, les extraits que j'ai vus, c'est impressionnant, quoi. Tu parles des migrants, j'en ai parlé cette semaine dans une actualité à Nancy. En fait, c'est la première fois en France en fait, qu'on a pu embaucher 2 migrants dans une association en contrat civique, dans une MJC. Et donc l'initiative va s'étendre à la France entière. Et donc on était la première ville à embaucher de migrants et leur donner une mission dans une MJC cette semaine. Donc, je trouvais ça cool. Ça c'est une bonne nouvelle, c'est ça. Et donc les appareils photo jetables, on peut toujours s'en procurer. Ouais. Alors combien que ça coûte? En moyenne, faut compter 15 euros. Mais le plus difficile en fait maintenant, c'est de pouvoir les faire développer parce que les labos photos se font de plus en plus rares. Oui. Mais du coup, j'en profite pour faire un petit coup de pub au copain Clément qui tient la boutique La Boîte à Photos dans la Grande Rue. Donc l'adresse, c'est 101 Grande Rue. Oui. Alors c'est quoi La Boîte à Photos ? Eh bien, La Boîte à Photos, c'est une super petite boutique où donc Clément, qui est vraiment pro de la photo, oui, il vend plein d'appareils photo, notamment anciens, des Pola très collector, et il s'occupe lui-même aussi du développement. Et ils vendent des appareils photo jetables. Et j'en ai acheté un récemment pour une amie pour lui faire un petit cadeau original. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller dans sa boutique. Oui. C'est très sympa et il s'y connaît vachement bien. Super cadeau. Ouais. Voilà. Et pour conclure ma chronique, en fait, je dirais qu'on peut voir maintenant quelques inconvénients sur cet appareil. Parce que le fait que ça soit un objet jetable, donc ça veut dire déchets, ça veut dire recyclage de plastique. Et puis avec le numérique, on a quand même beaucoup plus de possibilités parce qu'on peut refaire nos photos si elles sont ratées, on peut faire des selfies par exemple, on peut se voir. Et puis on n'a pas ce truc de tourner la petite molette là pour faire passer la photo suivante. Ouais. Et du coup, tu peux rater le moment à photographier. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est horrible. Tu vois un animal par exemple et tu rates. Trop tard, ouais. Donc voilà, c'était le côté un peu. Il y a du négatif. Par contre, moi je trouve qu'il y a un côté un peu magique avec cet objet là. Ça rappelle les vacances. Et il y avait ce truc de on rentrait d'un voyage et puis on devait attendre que ça soit développé. Qu'est-ce donc on avait les effets surprises. Qu'est-ce qu'on va voir ? Un pouce ou un index. C'est ça. Mais il y avait un côté un peu magique. Eh bien, merci Laura. Merci à vous. D'ailleurs, Laura, il y a quelque chose d'autre, Grande Rue, non ? Oui, il y a ma boutique. Non, je ne sais pas. Allez les voir pendant cette période estivale aussi. D'ailleurs, on embrasse Adrien. Oui, on t'embrasse Adrien. Ouais. Allez les voir, le Frip Show, c'est au 68 de la Grande Rue, une boutique fabuleuse qui est là. Mmh. On ne vous dit pas parce que c'est nos amis, mais c'est vrai aussi. Mmh. Ah, non, je confirme. C'est chouette. Mmh. Et surtout en ces périodes estivales où tout le monde déserte Nancy. Quoi, Et on pratique des soldes en plus. En plus, il y a des soldes. Voilà. J'ai vu, il faut que j'y aille. C'est le bon moment. On fait des repérages. 60 Grande Rue, rue Grande Rue, on dit 68 Grande Rue. 68 Grande Rue. À Nancy. Alors, on va continuer avec un titre que tu nous proposes aussi, Laura. Ouais, le titre, je sais plus. Eh bien, c'est. Tout le monde connaît. C'est aussi, aujourd'hui, malheureusement, c'est associé à une pub. Mais c'est les Beach Boys. Quelle pub ? Je ne sais plus quelle pub. C'est de voiture, il me semblait. Ah, t'as peut-être raison. Ah, c'est pas ça. Si, t'as peut-être raison. Je vois une espèce de voiture qui défile. C'est les Good Vibrations. Parce qu'il y en a des Good Vibrations ici, dans un coup d'œil dans le rétro, les amis. Si vous êtes bientôt en week-end. Charmant. Voilà. Je vous raconte pas comme. Ça fuse. Je vous raconte pas comme je suis bilingue. Good Vibrations. C'est du yaourt, j'ai appris ça en CM2. Allez, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est un coup d'œil dans le rétro. Profitez du week-end si vous y êtes bientôt. Profitez des vacances si vous y êtes aussi. Nous, on est là jusqu'à 18h. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my. Boys, good vibration. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, on en discutait hors antenne et je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice, effectivement. Les Beach Boys ont été utilisés dans cette pub télé. Non, mais c'est vrai que malheureusement, on associe souvent à des chansons comme ça connues, à des pubs. Et donc, comme les écrans LCD, ça c'était en 2008 de LG. Il y a eu la Lancia Musa, ça c'était en 2006. Voilà, tu le disais, Jessie, aussi les voitures. Il y a eu deux voitures. Il y a aussi Chrysler Voyageur et ça c'était en 95. Bah, ça devait être ça. Alors, vu que je suis pas toute jeune, voilà, ça devait être en 95. Dans un autre registre, les brioches Pasquier, hein, peut-être pour les enfants. Donc, ça c'était en 2004. Et Danone Alimentaire, alors en 2003. Et l'eau en 2000. Et la fromagerie avec Babybel, qui est le plus vieux, c'est en 1983. Ouais. Ah, j'avais un an donc voilà, t'as fait un an. Oh, là, tu vois, on n'est pas si loin hein, au niveau des âges. Non, je suis pas aussi. Aussi. Tu marcheras avec moi le long de dos. Non. Comment oh, la tristesse. Puis Anaïk aussi, hein, Anaïk est très vieille aussi. Non, mais on n'était pas obligé de le dire. Mais il fallait le dire quand même, c'est important. Comme ça, c'est fait. C'est important, on est tous des vieux. Il y a que Laura qui est jeune. Hein. Laura, t'es plus jeune que nous, toi. Ah oui. Tu veux pas le dire, bon, d'accord. Ah oui. 17h42, les amis, vous nous rejoignez, vous avez vu la bonne humeur dans les studios de Fadjet. N'hésitez pas à aller nous faire un petit coucou pour ceux qui nous écoutent sur notre page Facebook Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. Moi, je voulais parler aussi cinéma. Et plus particulièrement, un biopic qui va sortir d'ici peu. Un biopic qui concerne Freddie Mercury. Alors, vous aimez Queen ou pas ? Oui, ah, oui. Voilà, donc Freddie Mercury, et bien notamment avec ce biopic qui s'appelle, avec un de ses titres, Bohemian Rhapsody, qui sortira au cinéma le 31 octobre. Et là, il y a la deuxième bande-annonce qui est sortie aujourd'hui. Et on y apprend quelques petits trucs sur Freddie Mercury. Notamment qu'il adorait les chats. Entre autres, il y en avait plusieurs et les chérissait comme ses enfants. La chanson Delilah, parue sur l'album Innuendo en 91, emprunte son titre au chat préféré de Mercury. Dans un autre registre, on sait que Freddie Mercury aimait les hommes et les femmes aussi. L'homosexualité de Freddie Mercury n'était pas un grand secret, mais avant de faire son coming out, le chanteur de Queen a vécu une grande histoire d'amour avec une femme. Mary Austin, qui était interprétée par Lucy Boynton dans le film. Et donc, la bande-annonce reste assez mystérieuse quant à l'homosexualité de Freddie Mercury. Seules quelques images suggèrent en fait une relation homosexuelle. Et le chanteur blague sur le fait qu'il ne peut y avoir qu'une seule drama queen dans le groupe. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette deuxième bande-annonce. Une autre anecdote, le logo de Queen a été dessiné par Freddie Mercury. Et un plan du teaser montre un cahier sur lequel est griffonné le logo de Queen. Et c'est Freddie Mercury lui-même qui l'a dessiné. Queen était diplômé d'une école des beaux-arts londonienne et a imaginé le logo à partir de signes du Zodiac des membres du groupe. On y voit deux lions de John Deacon et Roger Taylor et un crabe symbolisant le cancer avec Brian May et deux fées symbolisant la Vierge avec Freddie Mercury. Donc voilà, des petites anecdotes qu'on apprend et qu'on apprendra dans ce biopic qui sort le 31 octobre. Donc, alors ça sort le 31 octobre donc 2018, ouais. Parce que le titre, en fait, Bohemian Rhapsody, est sorti le 31 octobre 1975. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Et c'est on va écouter dommage. D'ailleurs ce titre de Queen, mondialement connu aussi. Bohemian Rhapsody, on retrouvera juste après les maillots de bain. Avec qui ? Avec Anaïk. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Yeah. Queen, Bohemian Rhapsody. Tout le monde connaît ce titre de... Bah Queen, je viens de le dire, t'es bête. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, de 17h à 18h, sur Fadjet, 94,2 en modulation de fréquence. Je sais, je parle tout seul. Je tiens à préciser que Jessie vient de demander si tu étais comme ça tout le temps. Ah oui, oui, c'est ça le pire. C'est que je suis, j'ai un petit côté un peu schizophrène. Okay. Il aurait fallu me prévenir avant quand même. Toqué, c'est il est pas rare que tu me croises dans la rue, parler à mon chien et parler tout seul. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ce qui fait beaucoup de monde imaginaire autour de moi, néanmoins sympathique, qui sont tous sympas. Ah bah forcément, ils ne me contredisent pas. Voilà, ils ne me contredisent pas. Et puis bon, bah, je vis une belle relation avec ces gens-là. Félicitations. Là, il est 17h48. Les amis, à noter qu'on sera rediffusé cette émission hein, au mois d'août. Oui, parce voilà. Qu'au mois d'août, on n'est pas là au mois d'août. Hein. C'est les vacances. On sera en vacances au mois d'août. Et donc, on rediffusera cette émission Un coup d'œil dans le rétro. Et on se retrouvera à la rentrée. Donc, je pense que Laura sera toujours là. Ah oui. Oui. Adrien aussi, je pense aussi. Ah oui, bah, à tour de rôle. Et Kiki reviendra qu'à partir du mois de janvier 2019. Et Clément, bah, quand il peut aussi, hein, parce que c'est compliqué. Il gère là un gros événement. On en parlera d'ici quelques instants dans l'agenda. Avant toute chose, on discute un peu très rapidement avec Jessie. Après, on parlera de maillot de bain avec toi, Naïk. Donc, Jessie, si on avait. Est-ce qu'il y a des événements à venir ? Alors, il y a l'élection, je sais que tu es jury ou juré. C'est déjà passé. Voilà, c'est déjà passé. J'adore parler des événements passés. C'est génial. Voilà. Mais alors, on est dans le rétro. On est dans le rétro tout le temps. Est-ce que tu es impliqué dans un. Alors, j'ai comité Miss alors, France. Comité Miss Pin-Up France. Oui, tout à fait. Bah, déjà, le gros truc le plus important, c'est qu'il y a quand même la finale de Miss Pin-Up France qui se déroule le 27 octobre à Nancy, Palais du Gouverneur. Ouais, il y a un gros événement. Donc, ça va être vraiment impressionnant parce qu'il y aura tout un salon vintage, donc toute la journée. Rassemblement de voitures la grande élection avec donc les 13 Miss de région qui seront là, qui vont essayer de gagner le titre. Tu les as vues toutes déjà ? Ça y est, il en reste une qui n'est pas encore élue. Ah bon ? Oui. C'est quelle région ? Ça va venir. Je sais plus région. En plus, les régions, je comprends jamais rien. C'est comme avec toi. Miss Berry Nord de la Loire. D'accord. Non, puis nous, c'est les grandes régions. Ah, alors, oui, oui. Pour le coup. Donc, c'est région Est, elle est élue déjà. Ah oui, Grand Est, c'est Valérie, elle est magnifique, ma Valérie. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que toi, tu es leur Geneviève ? C'est ça, exactement. Je me mets des chapeaux de temps en temps. C'est vrai ? Effectivement, oui, oui. Oh. Elle est plus classe, non, quand même. Non, dans 60 balais, dans 60 ans, elle sera comme ça, un petit peu réac. Non, on a la présidente de notre association qui, effectivement, elle, on l'appelle souvent notre Geneviève. C'est oui. Vrai. Est-ce qu'il y a le même genre d'événement pour les hommes ? Est-ce que ça existe non. ou pas en France ? Non, non ça, on, ça manque pas. D'ailleurs. Bah, on nous demande souvent. Mais comme Mister France, c'est relégué, il y a, mais bon, c'est un peu relégué au second plan. C'est bien dommage, mais là, ce serait sympa. Je voudrais des hipsters. Mais voilà, t'appellerais ça comment, Mister Hipster ? Je rêve de Giroud, tu vois, il vient, Giroud, tu vois. Mais il est hipster dans le visage, qu'il a une barbe, mais pas forcément dans la tenue. Non, mais ça serait, voilà, on verrait un peu d'élégance, un peu masculine. Et là, le maillot de bain, je veux bien le garder aussi. Moi, tu vois, dans des Mister Hipster, je penserais plus à Mathieu Loingereau, tu vois, qui est vraiment, pour le coup, alors je sais pas si tu le connais, c'est un musicien nancéen, il est vraiment très rétro, puis c'est un beau gosse quand même. Oui, c'est un beau gosse. Non, oui. Non, Mathieu, je suis désolé, j'ai essayé. Mathieu, hein, c'est un de mes clients. Voilà. Mathieu et Giroud, je suis désolé. Pourtant, il s'est mis un peu à la muscu, il m'a dit dernièrement, mais il faut encore du boulot, quoi. C'est pas nous. Non, il faut être à la hauteur de Giroud, hein. Ils sont sportifs toute l'année. Donc, oui, non, je suis pas sûr que c'est un grand succès, hein, malheureusement. On est encore plus axé sur les femmes que les hommes. Hein, bah, dans notre société, c'est comme ça. En général, les concours de beauté. Hein. Donc ça, c'est les événements à venir. Donc c'est le 27 octobre. C'est 27 octobre. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres événements auxquels on peut te voir. La semaine prochaine, par exemple, il y a le Mondial Air qui se déroule donc à Lunéville, où il y aura notre comité où je tiendrai un stand de relooking qui fonctionne plutôt pas mal. Nos stands de relooking, le comité, c'est une association. Comment ça ? C'est une association. Voilà. Et donc vous allez sur des événements. Tout à fait. Et voilà. Donc voilà, là la semaine prochaine, donc voilà, il y aura des avions, il y aura un camp US comme dans les années. Voilà. C'est à Lunéville, ça. Tout à fait. D'accord. On en parle dans les agendas ? Est-ce qu'on en parle dans les agendas ? Je sais qu'on parle de Lunéville. Bon, on va voir ça d'ici quelques instants. Je laisserai le temps de réfléchir. Bien, écoute, c'est pas mal. Vous avez d'autres questions à poser à Jessie ? Oh non, ça va. Non, bah merci, Jessie. Au revoir. Ça va, je me casse. Tu peux partir. C'est intéressant. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, de 17h à 18h, sur Fadjet, 94,2 en modulation de fréquence. Non, Jessie, on va réfléchir encore. Même toi, hein, si tu as d'autres choses dont tu voudrais parler. D'ici là, une seconde, Anaïk, je vais te donner les paroles parce que tu vas nous faire un petit retour, parce que certainement que les gens sont peut-être déjà en vacances. Hein, oui, il y a déjà. Les maillots de bain, c'est ça? Tout à fait, François. Alors, notamment, quel type de maillot de bain? Eh bien, les maillots de bain rétro, en fait. Parce que oui, évidemment. Hein, ça a toujours la mode cet été sur les maillots de bain? C'est toujours la mode, en fait. D'accord. En fait, voilà, c'est toujours la mode, effectivement. Donc, si vous voulez faire la différence sur la plage cet été, bah, oui, je vous propose de mettre un maillot de bain rétro, d'aller fouiller un petit peu dans les placards de vos grands-mères. Donc, toujours, voilà, la star aussi, enfin, l'imprimé Vichy, taille haute. Les maillots de bain rétro, donc, évidemment, sont indémodables. Donc, les maillots de bain rétro sont faciles à porter. Et mettre en valeur un petit peu toutes les morphologies. Donc, c'est un peu comme la combinaison que je vous ai parlé l'autre fois sur notre dernière émission, en fait. Ça cache les petites rondeurs et ça sublime les décolletés. Donc, quand vous avez une belle paire de... Laura me regarde. Non. Une belle poitrine. Voilà, une belle poitrine, en fait. Vous pouvez mettre un maillot de bain rétro et voilà, vous allez faire fureur. Et la forme? Donc, au niveau de la forme, donc, qu'il soit une pièce ou deux pièces, le maillot de bain donc, de pin-up est plutôt bandeau, bustier ou corbeille. Tu m'arrêtes, hein, par contre, si je dis des bêtises. Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Non, mais je vais la faire. Non, c'est pas ça. Donc, bien maintenu, donc, la poitrine est joliment donc, mise en valeur sans trop en dévoiler. Voilà, donc c'est tout en suggestion. Si vous avez donc une forte poitrine, vous pouvez en fait mettre un bustier à armature et du coup, voilà, ça sera très joli. En bas, donc, le bikini rétro à taille haute ou culotte bouffante aussi existe. Donc, culotte bouffante. Bouffante, oui, tout à fait. Ah bon? Tout à fait. Donc, il faut choisir, donc, bien sûr, selon votre morphologie encore. Donc, les fesses plates, mesdames, se tourneront plus vers les froufrous, c'est donc ça et rééquilibre. Mais ça cache un peu les fesses. Voilà, la silhouette. Les petits ventes, les petits bédons donc, seront quant à eux bien galbés avec donc, la taille haute. D'accord. Voilà. Donc, pour détourner l'attention d'une rondeur un petit peu disgracieuse, je dirais qu'il faut aller vers les effets un peu drapés. Donc, au niveau de la couleur et des motifs, les jeunes femmes un peu timides donc, peuvent choisir des maillots de bain unis. La couleur rouge, c'est un peu incontournable. Le tissu Vichy, les pois, il y a des rayures aussi, un peu façon marinière. C'est un peu à la mode avec le foot, voilà, cette année. Les imprimés un peu régressifs, donc comme les encres marines, les grosses fleurs aussi sont très à la mode dans les maillots de bain rétro. Donc évidemment... Est-ce qu'on peut aller, je te pose une question, est-ce que, où on va sur Nancy pour acheter du maillot de bain un peu rétro comme Alors, ça, je ne sais pas si, par exemple, Fritz Show, est-ce que vous avez des maillots de bain? Non. Vous en avez chez Let's Dance à Nancy. Let's Dance, c'est où ça? J'en viens, c'est rue des Quatre Églises. D'accord. Et j'en viens et effectivement, ils en ont. C'est pas une boutique spécialement rétro, mais tu peux trouver des... Alors, à la base, ils sont dans tout ce qui est articles de danse. D'accord. Et ils se sont spécialisés un petit peu dans le rétro. Donc, ah oui, d'accord. Des robes néo-rétro. Des pin-up. D'accord. D'accord. Donc, toujours pour revenir sur les maillots de bain, donc les hommes, il ne faut pas les oublier. Le bon vieux slibard. Non plus. Avec les bretelles. Donc, messieurs, vous n'échappez pas non plus à la tendance un peu rétro au niveau maillot. Donc, cet été, donc, toujours, voilà, hein, on parle des imprimés. Vous avez encore le Vichy avec les carreaux, les rayures. Vichy pour hommes, on mettrait un Vichy. Mais ouais, mais je trouve ça change. Quoi, oui. Franchement, c'est, ça change de tout ce qu'on voit maintenant. Mais en mode quoi, slip de bain, plus si c'est rétro que bandeau peut-être. Alors, le bandeau. Oui, moi j'ai un bandeau. Oui, un bandeau. Un bandeau. On veut les photos. N'imaginez pas comme ça. On veut les photos. N'imaginez pas en bandeau. T'as même des maillots de bain avec des voitures américaines, des petits pélicans, des petits. Enfin, tu vois, faut oser. C'est très mignon. Des flamants roses, des pélicans. C'est ça, avec des pélicans sur le devant ou derrière, parce que ça peut. Où tu veux. D'accord. Mais on veut des photos. Je continue à le dire. D'accord. Moi, je ferai une photo avec mon pélican. Non, alors après, c'est. Oui. Je te dis que ça va être sympa. Voilà. Donc, faites la différence sur la plage cet été avec, avec votre maillot de bain rétro. Pour les hommes, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il y en a dans cette boutique-là? Non, peut-être pas de maillot de bain rétro. Non. Je pense que c'est plus difficile à trouver. Difficile à trouver, effectivement, pour les alors, hommes. Alors, peut-être sur Internet. Internet, oui. Le slip français, ils font du maillot de bain rétro? Le slip français, oui. Alors après, ils en font, mais c'est des couleurs plus unies, je pense. D'accord. Bon, écoutez, soyez rétro même sur la plage. C'est pas évident, hein, non plus. de l'être tout le temps. Et donc, on va écouter. Alors, je ne sais pas si elle était en maillot de bain rétro, hein, peut-être. Mais c'est une chanson de la plage. Dalida. Oh, notre Dalida qui louche. La pauvre, la pauvre voilà, qui louchait. Itsy, bitsy, petit. Bikini. Bravo. 1, 2, 3. Elle tremblait de montrer quoi. Son petit, itsy, bitsy, tini, wini, tout petit, petit, bikini. Qu'elle mettait pour la première fois. Elle, itsy, bitsy, tini, wini, tout petit, petit, bikini. Un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2, 3. Voilà ce qui arriva. Songer qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain. Car elle craignait de choquer ses voisines. Et même aussi de gêner ses voisins. 1, 2, 3. Et Dalida, Itsy, Bitsy, petit bikini. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors les amis, eh ben notre émission se termine bientôt, malheureusement il est 17h58, donc on va faire un petit tour du côté de l'agenda. Alors, on en parlait eh bien de Stevie Dick tout à l'heure hors antenne. Ils ouvrent leur showroom qu'on avait reçu, Stevie Dick, l'année dernière, je crois, au 125 rue du Mont-Désert à Nancy. C'est l'occasion de venir découvrir ou redécouvrir leur nouvel espace et de connaître l'histoire de Stevie Dick et de fondre sur la sélection de pièces vintage. À partir du 25 juillet et ce, tous les mercredis jusqu'au 29 août, dans un autre ordre d'idée, vous pourrez danser. Et danser quoi ? Vous allez me dire, le tango argentin à l'auditorium du parc de la Pépinière de Nancy. Le samedi 28 juillet, on va parler plus en détail, Anaïk, de l'événement de Clément. Oui, alors de 15h à 17h au Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy, donc il y aura un spectacle cabaret, une journée dans les tranchées, donc organisée par le Club Saint-Lambert. Donc il vous propose donc cet événement donc, pour célébrer le centenaire hein, de l'armistice ouais. de 1918. Donc ça, c'est l'après-midi, il y aura un spectacle donc, intitulé « Chair à canon ». Et le soir, en fait, de 19h à 2h, vous avez la soirée de gala, une soirée donc avec les alliés, donc une soirée un peu hors du commun avec le célèbre pianiste américain donc Ethan Uslan, qui est venu l'année dernière, exactement. Non, il y a deux ans pour ouais. un dimanche en 1920. Ouais, donc triple champion du monde quand même. The World Championship voilà. All-Time Piano Playing Contest. Oui, voilà. oui, oh, tout ça en même temps. Oh, bah, de toute façon, je vais te voilà. dire que là, je suis bilingue. Donc vous avez un grand cocktail dînatoire donc qui vous sera proposé tout au long de la soirée. Vous aurez le plaisir de déguster des produits d'exception de la région. Vous pouvez prendre vos